Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu mchina Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ruth au chapitre 2. Luta sura yake ya pili. Ruth dans son chapitre 2. Luta msura yake ya pili. Commençons verset 1. Tunaanzia pa mstari ya kwanza. Naomi avait un parent de son mari. Naomi alikuwa na ndugu yake ya bwana yake. C'était un homme puissant et riche de la famille de Elimelech. Alikuwa mtu wa uwezo na mtajiri wa mjamaa ya Elimeleki. Et qui se nommait Boaz. Na jina lake ilikuwa ni Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Luta wa kumwabu akamwambia Naomi. Laisse-moi, je te prie, aller glaner dans des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Akamwambia uniache mimi nakusi niende kulokotisha mu mashamba ya ule mbele yake naweze kupata neema. Elle lui répondit. Naye akamjibu. Va ma fille. Wende binti wangu. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Akenda kulokota mu mashamba kumukongo ya bavunaji. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Elimelech. Kwa bati akajikuta mumashamba mula renda kuvuna ilikuwa ni ya Boaz ndugu yake ya mjama ya Elimeleki. Seigneur, merci. Bwana asanti. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans la simplicité. Tunakushukuru juu ya yote unafanya katika unyenyekevu. Ce soir nous venons encore en ta présence. Mangaribi ya leo tunakuja tena mwepo wako. Pour chercher le pain du jour. Ja kutafuta mukate ya siku. Nous voulons survivre dans ce royaume. Tunapenda kuishi mwi ufalme. Ce royaume que tu nous as acquis au bois du calvaire par ton sang. Ni ufalme ulitununulia kumsalaba kupitia damu yako. La vie vient de toi. Bujima, bukunatoka ni kwako. La santé vient de toi. Afya njema inatoka kwako. Et la paix de l'âme vient de toi. Na salama ya moyo inatoka kwako. Accorde à chacun de nous un véritable repos du Saint-Esprit. Upatie kila mmoja wetu mapumziko ya kweli ya Roho Mtakatifu. Pour que notre foi soit honorée. Jua imani yetu ipate kuheshimishwa. Bénis chacun de nous. Ubariki kila mmoja wetu. Parle-nous encore ce soir. Useme tena nasi mangaribi ya leo. Les frères et les sœurs qui sont en ligne. Révèle-nous tes voies. Nous te prions avec foi. Na imani. Que tu vas nous répondre. Ya et confirmer ta parole na dans nos cœurs. Au-delà même de notre prière. Merci Seigneur. Asante, Bwana. Que ce qui te soit béni. Ibada ibarikiwe. Du début à la fin. Mwanjo na mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Vous asseoir. Munawezi kuketi. Quatre points sur lesquels nous avons beaucoup insisté hier. Kuku manukta ine yulu yayo tuliweka mkazo jana. Et ces quatre points sont fondamentaux. Na hii manukta ine ni ya msingi kabisa ya mafaa. Nous avons montré à l'église. Tulionesha kukanisa. Que la vie chrétienne n'est pas une vie facile comme les gens le pensent. Ya kwamba maisha ya Kikristo haina teketeke wala mwepesi vile watu wanazania. La vie chrétienne maisha ya Kikristo est une vie difficile. Ni maisha ya nguvu. Comme nous le lisons ici dans Ruth. Paravile tunaisoma humu muluta. L'arrivée des Russes dans le pays d'Israël kufika wa luta mwinchi ya Israeli, elle avait rencontré beaucoup de problèmes. Alikutamo magumu mingi. Elle était affrontée à beaucoup de difficultés. Alikutanishana na magumu ya mingi. Mais comme l'avons dit hier, malakini paka vile tulisema jana, la véritable foi, imani ya kweli, n'a peur de rien. Ayogopake kitu. Il n'y a rien qui peut décourager la véritable foi. Hakuna kitu kile kinawezi kulekesha imani ya kweli. Cette foi qui vient de la révélation de la parole, imani ya kutokea kufunuo wa neno, quand elle s'ancre dans le cœur de quelqu'un, wakati ikitia nanga ndani ya moyo wa mtu, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Hakuna kitu ya kuwezi kuitenkesha. Il n'y a ni souffrance, hakuna wala tamateso, il n'y a ni manquement, hakuna wala kukosewa, il n'y a ni maladie, hakuna wala magonjwa, il n'y a ni persécution, hakuna wala mateso makubwa, il n'y a ni moquerie, hakuna wala kuchekelewa, qui peut décourager, ile inawezi kumulekesha, un frère ou une sœur, nduku wala dada, qui a la véritable foi dans son âme. Mwenye kuwa na imani ya kweli ndani ya nafsi yake. Nous avons montré hier, jana tulionesha, qu'après que Ruth soit dans le nouveau pays, kwamba kisha Luta kupatikana mwinchi mupya, elle devait fournir un effort, alipashi kutoa nguvu yake yote, pour s'adapter à la nouvelle vie. C'est la chose qui l'a poussé à faire beaucoup de consécration. La vie dans Moab et la vie en Israël, la maisha ya mule mu Israeli, c'était deux vies tout à fait différentes. Il kwa ni maisha mbili yenye kuachana kabisa. Il y a des choses qui étaient permises à Moab. Kwa bitu bilikuwa yenye kuruhusiwa kule ku Moab. Qu'on ne pouvait jamais tolérer en Israël. Bila bakuwezi kamwe kuvumilia mule mu Israeli. Israël comme un pays particulier, avec un peuple particulier. Israël sawa inchi ya upeke na taifa ya upeke. Avec des lois particulières. Na masheria ya upeke. Ces lois dont Naomi n'avait aucune information. Ile masheria ile luta asikujue. Elle devait fournir un effort. Aripashi kujitoa sana luta. Par amour de Dieu d'Israël, kwa ajili ya mapendo ila alimpenda Mungu wa Israeli, de s'adapter à la nouvelle vie, apate kuzoea ile maisha mpya, parmi ce nouveau peuple où il était. Katikati ya taifa mpya mula alipatikana. C'est ainsi que nous avons dit hier. Jokomana jana tulimiambia. Nous aussi. Na sisi pia. Comme des élus de Dieu. Sawa bateule ya Mungu. Les enfants d'Abraham. Batoto ya Ibrahimu. Des véritables chrétiens. Ba Christo ba kweli. Après notre foi. Kisha sisi kuamini. Il est de notre devoir. Ni mapasha yetu. De nous adapter. Upate kuzoea. En toutes choses. Mubitu biote. Dans la nouvelle vie. Mui maisha mpya. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. Par une vie de consécration. Upitia kujitoa. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. Est une vie de consécration. Ni maisha ya kujitoa. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. Est une vie de privation. Ni maisha ya kujizuiza. La vie chrétienne. Maisha ya Kikristo. Est une vie de renoncement. Ni maisha ya kujikataria. La vie chrétienne est une vie de soumission à notre Dieu. On doit s'adapter à tout cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. On doit s'adapter à la prière. On doit s'adapter aux jeûnes. On doit s'adapter à la méditation de la parole régulière. Parce qu'on est dans un autre pays. Nous sommes dans un autre royaume. Dans lequel nous devons adopter de nouvelles habitudes. Ma tabia mpya. Et la troisième chose sur laquelle nous avons parlé, en parlant de Ruth, qui a dû travailler pour avoir la nourriture du jour et pour sa survie dans le pays d'Israël. Il est de notre devoir, en tant que chrétien, de travailler très dur pour la nourriture de notre foi, de notre cœur, de notre âme. Nous venons régulièrement à l'église, c'est pour recevoir le pain quotidien qui nous permettra de marcher dans cette nouvelle voie qui nous permet de notre survie dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et la quatrième chose, être attentif et être fidèle aux instructions de Naomi pour que Ruth marche en douceur, qu'il soit en harmonie avec le comportement du nouveau pays, avec les habitants du nouveau pays, qu'il trouve faveur de Dieu. Il devait être attentif, son attention aux instructions que Naomi lui donnait lui permettait, vous voyez, d'être fidèle, d'agir fidèlement selon les instructions, d'être obéissant selon les instructions pour gagner la faveur de Dieu. C'est une grande leçon pour nous. Nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Il faut ouvrir largement vos oreilles spirituelles pour recevoir les instructions du Saint-Esprit et vous marcherez maintenant en conséquence. Agir fidèlement selon les instructions que vous recevez pour être agréable au Seigneur. Pas de blague. Parce que votre vie en dépend. Votre vie en dépend. Oui, bien aimé frère. Notre vie en dépend. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, nous ne sommes pas fidèles à sa parole, nous ne sommes pas fidèles aux instructions que nous donnent les bergers, les prédicateurs de la part du Seigneur, nous ne connaîtrons pas de succès. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur un point. Leo napenda kusemezea yulu ya nukta moja tu. C'est sur le travail de Ruth. Ni yulu ya kazi ya Luta. qu'elle soit en Israël. Kisha yeye kupatikana mule mu Israeli. Et après sa séparation, na kisha yeye kujitenga, dès qu'elle est arrivée dans le nouveau pays, na kisha yeye kufika mwinchi mupya, Ruth n'a pas eu le temps de se reposer. Luta sikuwa na wakati ya kupumzika hapana. Elle n'a pas eu le temps de méditer. Asikuwa na wakati ya kufikiri. Elle s'est mise au travail directement. Aliingia mukazi pale pale. C'est vrai. Ni kweli. Le verset 2 de Ruth 2. Mustari ya pili ya Luta sura 2. Ruth la Moabite dit à Naomi. Luta wa kumwabu akamwambia Naomi. Laisse-moi, je te prie. Uniache na kusi. Allez glaner des épis dans le champ. Niende nikalokotishe mu mashamba. De celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Mashamba ya ule mbele yake nitapata neema. Elle n'a pas attendu beaucoup de temps. Asikuchunge muda mrefu. Elle s'est mise au travail. Akaanza kutumika. Mais remarquez le travail que Ruth fit. Sasa tazameni kazi ile Luta alifanya. Ruth a fait un travail humiliant. Luta alifanya kazi ya kufezereshwa. Elle n'a pas dit. Asikuseme. Moi, Ruth la Moabite. Mie Luta wa kumwabu. Je viens d'une famille considérée. Ni unatokea mjamaa ya batu ya kabaila kule kumwabu. Elle n'a pas dit. Ashikuseme. Moi, Ruth la Moabite. Mie Luta wa kumwabu. Je suis encore une jeune femme. Ni ngariki binti kia. Pas seulement n'importe quelle jeune femme. Sina mwanamke wote. Je suis une jolie femme. Ni mwanamke mrembo. Je ne peux pas gâcher ma beauté mrembo bwangu par un travail humiliant. Na ikazi ya kufezereshwa. Non, mon frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana dada. Sa vie. Maisha yake. Avait plus de valeur que sa beauté. Kushindia burembo bwake. Sa propre vie. Mbujima bwake. Sa survie. Kuishi kwake. Dans le pays d'Israël. Mwichi ya Israeli. Avait plus d'importance. Ilikuwa na faida mkubwa. Que sa considération. Kushindia. Dans son pays natal. Angalia heshima yake ya mwichi yanatokea. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada. Elle ne considéra ni sa valeur. Ashikuangare wala bei yake. Elle ne regarda ni à sa beauté. Ashikuangare wala kuburembo yake. Elle ne regarda pas son honneur. Ashikuangare heshima yake. Mais elle dit à Naomi. Lakini akamwambia Naomi. Laisse-moi ma belle-mère. Niache mamangu mupe. Allez glaner. Dans un champ. D'une personne. Ya aux yeux duquel je trouverai grâce. Ya mutu mbele yake nawezi kupata neema. C'est vrai. Ni kweli. Le glanage kulokotisha mu mashamba en Israël mu Israeli était un travail de pauvre. Ilikuwa ni kazi ya bamasikini. Était un travail des indigents. Ilikuwa ni kazi ya batu ya mateso. Était un travail des gens sans valeur. Ilikuwa ni kazi ya batu ya chipo bei. Ruth a accepté Luta aritikia de faire un travail humiliant kufanya kazi ya kufezereshwa avec avec un servante de Boaz na bijakazi ya Boaz dans le nouveau pays d'Israël. Mwinchi mupya ya Israeli. Un travail de pauvre. Kazi ya bamasikini. Un travail de gens sans valeur. Kazi ya batu basipo bei. Un travail de méprisé. Kazi ya batu bakubeuliwa. Un travail qui était minimisé par tous. Kazi le batu bote baribeula. Un travail des gens qui n'ont aucun soutien et qui n'ont aucune considération. Un travail des étrangers. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Laisse-moi, je te prie. Aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Dans Lévitique au chapitre 23. L'Église est avec moi. Vite accepter de faire un travail des gens sans valeur. Ruth, Luta, il s'est pas donné lui elle-même la valeur. Ruth, Luta, elle a commencé par s'humilier soi-même dans un pays étranger. Ruth, Luta, elle s'est devant sa belle-mère, devant tous les enfants d'Israël, et même devant Dieu. En acceptant d'aller faire un travail des indigènes, des étrangers, Kaji, des gens abana na musada, qui n'ont pas de secours, abana muntu akuba saidia, qui n'ont pas quelqu'un pour les secourir, déjà presque abandonnés. Elle s'est identifiée elle-même à la souffrance. L'Église est avec moi. La foi qu'il a sorti de son pays, elle a pas considéré sa valeur. C'est vrai. Nikweli. Et pourtant, elle était une jolie fille, une jolie femme. Binti murembo, madame ke murembo. Des figures et de cœur. Ruth n'était pas une méchante femme. Elle était une femme de valeur. Bien qu'elle était païenne, elle était jolie. Elle était bonne. Parce que sa propre belle-mère en témoigne. Mais elle a accepté de faire ce travail humiliant. Lévitique 23-22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, c'est la loi que Dieu donna à tout Israël. Si le sera un coin dans ton champ sans le moissonner. Utacha kwa kipande mkona bila kuivuna. Et tu ne ramasseras pas. Tu ne ramasseras pas. Na auta lokota. Ce qui reste à glaner. Ile nabaki yako ya kulokotisha. Tu abandonneras cela. Utaiacha. Au pauvre. Utachia yo va. Et à l'étranger. Kwa mukeni. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mimi ni Yehova Mungu wenu. Dans Lévitique 19. Voilà, oui, sur la communauté. Dans son verset 9 à 10. Quand vous verrez la moisson dans votre pays, il laissera un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Hawezi kamwe kubeba ile inabakia. Et tu ne ramasseras pas les grains. Qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 25. Dans son verset 5 à 6. Son verset 6. Ce que produira la terre pendant ton sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui demeure avec toi. Ile mashamba yako itatoa siku ya sabato itakusaidia sawa chakula. Wako weye, kwa mtumishi wako, kwa kijakazi wako, kwa mfanyakazi wako. Kwa mgeni ule anakaa pamoja nawe. Dans Deutéronome chapitre 25. Kumbukumbu la Torati 24. Kumbukumbu la Torati Deutéronome chapitre 24. Kumbukumbu la Torati 24. Dans son verset 19. Mstari yake ya 19. À 21. Hadi. Quand tu moissonneras ton champ. Wakati utafuna mashamba. Et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ. Na kisha wewe kusabu. Tu ne retourneras point la prendre. Kisha wewe kusabu mafuno usirudie juu ya kuichukua. Elle restera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Itabakia juu ya muyatima, muyane ili wa milele Mungu wako apate kubariki kazi yako. Quand tu secoueras tes oliviers, wakati utatigiza, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés attachés aux branches. Wakati utatigiza mizabibu yako, wakati utatigiza mizabibu yako, usivune ile matunda ile tabakia kwa matawi. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Itabakia juu ya mukeni, juu ya muyatima na juu ya muyane. Vous voyez. Munaona. Continuez avec la suite. Muendele na ile nafuata. Vous pouvez encore ajouter. Munaweza tena kuongeza. Exode 23 verset 11. Kutoka 12:3-11. Bien-aimés frères et sœurs, Ruth Luta a accepté volontairement, alitikia kwa kipendaro, sans contrainte, bila kumukaza, de faire un travail de pauvre, ya kufanya kazi ya bamasikini, des gens sans valeur, ya batu bila bei, des gens ya batu qui étaient méprisés, bar kwa benye ubeuliwa, des gens sans soutien, batu bila msaada. Oui, bien-aimés frères, mtu kumpendwa. Elle a compris alielewa sa situation malheureuse dans un nouveau pays. Ruth était consciente de sa situation malheureuse dans le nouveau pays d'Israël. Elle ne devait pas être orgueilleuse. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Elle a commencé par s'humilier. Faisant un travail de gens sans valeur. Pour prouver à tout Israël qu'elle n'avait pas de valeur. Oui, bien-aimés frères. Qu'elle n'avait pas de valeur. Elle ne voulait pas être considérée par les Juifs. Mais elle voulait gagner la faveur du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qu'elle avait suivi en Israël. C'était ça son objectif. C'est vrai, frère. Elle a fait ce travail pour rester en paix avec tout le monde. Afin qu'elle ait l'occasion d'être en contact avec le Dieu d'Israël. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai. C'est l'erreur que commet beaucoup de frères et beaucoup de soeurs dans ce message. L'église est avec moi. Voilà la grosse erreur que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui viennent dans notre église qui croient à ce message. C'est vrai. Quand tu viens dans l'église, au lieu de commencer par un travail humiliant, au lieu de s'humilier, au lieu de se traiter comme étant sans valeur, c'est vrai. Pour vous rassurer de votre salut, mais beaucoup de frères et sœurs commencent par le haut. L'église est avec moi. Suivez-moi très bien. C'est l'erreur de beaucoup de frères. Pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas d'expérience véritable avec Dieu? Voilà le secret. Vois bien mes frères. Pourquoi beaucoup de gens sont errants dans l'église? Ils n'ont ni la nouvelle naissance. Ils n'ont ni le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'acceptent pas de s'humilier. Vous voyez, devant Dieu, devant sa parole, quand ils viennent à la foi, au lieu de commencer par un travail humiliant, quel est notre travail humiliant qui pourra produire des fruits et qui pourra nous accorder de la valeur devant Dieu? Quand vous venez à Dieu, commencez par la repentance. Commencez par la confession. Commencez par la réparation. Commencez par la prière. Commencez par les jeûnes. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes sœurs. Combien de gens font cela? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Au lieu que les gens commencent là, ils veulent être choristes dans l'église, ils veulent être interprètes dans l'église, ils veulent avoir une activité dans l'église, ils veulent être diacre, être conducteur de chant. C'est agir en insensé. Quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté le salut, quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Dieu, mais qui commence d'abord par servir pour paraître devant les gens, il commet un acte de folie et un acte de sensé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Il faut commencer par s'humilier. Commencer par le travail humiliant. Commencer par vous-même diminuer votre valeur. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Quand vous venez, vous écoutez la parole. La parole commence à éclairer votre vie. Et quand la parole éclaire votre vie, vous voyez maintenant la différence entre la vie que tu menais quand tu étais païen et la vie que tu dois mener comme chrétien. Et par la parole qui est la lumière, qui est le miroir de votre vie, vous remarquez certainement beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés qui s'attachent à vous. Vous commencez par vous repentir. Vous commencez par vous humilier. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Se repentir, ce n'est pas quelque chose de facile. Non bien mes frères. Non bien mes sœurs. Tu as couché avec la femme d'autrui, avec un mari d'autrui. Vous êtes appelé à réparer cela. Tu as volé quelque chose. Tu es obligé de réparer cela. Qu'est-ce que ce travail te fait? Qu'est-ce que la repentance fait? La repentance t'humilie. Et celui qui se répand, c'est celui qui accepte de diminuer sa valeur, de se considérer sans valeur. Que je sois valable devant Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand si je me répands, je serai moindre les gens. Quand on vit la parole, quand on se répand, nous faisons un travail humiliant. Nous faisons un travail des hommes et des femmes sans valeur. Nous ne voulons pas avoir de la valeur devant les gens. Nous ne voulons pas garder notre honneur. Nous ne voulons pas garder notre dignité. Nous perdons notre d'unité en faveur de la vie éternelle que nous voulons recevoir de la part du Seigneur. C'est ce qui est plus important. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ah, qui est qui vous bafoue? Celui-là, c'est un. Un grand berbile qui n'a voilà. Un grand berbile qui connaît Sema. Voilà comment il parle. C'est vrai, frère. Kama upende konekana. Si tu. Bumbafu kumacho ya bantu. Si tu ne veux pas paraître. Utapoteza nafsi yako. Tu perdras ton âme. Ouais, bien aimé frère. Elle est encore bleue. Elle connaît pas les hommes. Ouais, bien aimé frère. Voyez bien aimé soeur. Il faut accepter cela. Notre travail humiliant nous conduit dans la repentance. La repentance pour un chrétien. La repentance pour une chrétienne. C'est la vie de tous les jours. C'est vrai, frère. Comment on a vu Koto là? On a fait la bien bataille dans l'amour. Oui, vite, répare vite. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Comment on a fait la Koto là? Oui, vite, kiriwajiwaji. Tu m'en fais pas moucha fou. Et quoi tu es fouachi? Se retire de toi. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Oui, mais répare cela. C'est vrai frère. C'est ce qui paralyse Satan dans notre vie. La repentance, la confession et la réparation paralyse la puissance des démons dans notre propre vie. Frère, ma soeur. C'est un travail humiliant. Quand on a on a fait un peu de temps. comme le péché m'a humilié, je m'humilie moi-même pour me dégager de l'humiliation de Satan. Est-ce que l'Église est avec moi? Je m'humilie moi-même. Voyez bien, frère. Pour me dégager de l'humiliation de Satan qui peut me conduire en enfer. Je suis prêt à travailler, à faire ce travail. Des gens sans valeur. De mépriser. Un travail qui m'humilie. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Vous vous repentez. Vous confessez. Vous réparez. Vous priez. Vous gênez. Oui, bien-aimé frère. La prière nous donne un esprit d'humilité. C'est vrai, frère. Les jeunes nous dépouillent et nous accordent la faveur en présence du Seigneur. C'est vrai, frère. Quand vous venez dans la foi, humiliez-vous jusqu'à ce que votre salut soit réel. Répandez-vous. Confessez vos péchés. Réparez vos torts. Jusqu'à ce que l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit soit effective dans votre vie. Aussi longtemps que le salut ne vous est pas encore assuré, tu dois travailler. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais beaucoup de frères et beaucoup de soeurs ne le font pas. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Mais qu'est-ce que font les gens? Ils se précipitent à travailler, à avoir une activité dans l'église, à être connu dans l'église. Quand quelqu'un veut faire un travail dans l'église sans être sauvé, il se fait valoir lui-même. Vois bien mes frères. Et quand quelqu'un se fait valoir lui-même, il se barre lui-même le chemin de la vie éternelle. Je vous parle autant de Kutumika. On a zobelé à Kanisa. On a zobelé à Bantu. D'abord on a zobelé. On a zakuji waji à Kusema. On est zakuya mutoto wa Mungu. On est zakuzayo kamara ya. Pendant que mon nafsi yako amuna ka Mungu ataka loko, tu t'es séduit toi-même. L'église est avec moi. Vois bien mes frères. On appenda que tu sois choriste sans nouvelle naissance. Tu veux être choriste sans baptême du Saint-Esprit. Tu veux être entrepreneur dans l'église sans Saint-Esprit. Tu veux être prédicateur sans Saint-Esprit. Tu veux être diacre sans Saint-Esprit. Il est cas où qu'on a foigné. Ni où est-ce qu'on a dit pas si abeille. Kumacho yabantu. Bakuyu akusema. Frère fulani, dada fulani, anatumia kama kanisa, mais Mungu asikuyue. Mais Dieu lui ne te connaît pas. Uko natumika kazi ya bule. Fais un travail inutile. Kazi ya bumpongolo. Un travail. Tu n'auras aucune récompense. Utakuwa na malipo hata kidogo. Oui bien mes frères. Dieu ndugu mpendwa. Oui bien mes sœurs. Dieu dada mpendwa. Hapana kujipatia bei kumacho ya bantu mkanisa. Ne pas te donner de la valeur aux yeux des gens. Wakati yote ile ambao au yazali kwa mara ya pili na uyapata Roho Mtakatifu, hapana dada yangu, hapana ndugu yangu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Rita a commencé, premièrement, par un travail humiliant pour sa survie, pour se maintenir dans le nouveau pays, dans le nouveau royaume. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Adi tangura kujipunguza ye mwenyewe. C'est vrai. C'est un bon type d'un véritable chrétien. Qui vient à Christ, qui commence d'abord par se dépouiller lui-même. Oui, il s'humilie, il travaille, il fait un travail. Des gens sans valeur. Combien de gens viennent à l'église pour prier? Au Cambov Tabernacle, nous avons beaucoup de patrons. Aba pendake kuomba. Ils ne veulent pas prier. Aba pendake kuomba. Ils n'aiment pas prier. Siku ya vendredi. Le jour de vendredi. Yo siku ya mubaya sana kwabo. C'est ça les mauvais jours pour eux. Oui. Très mauvais pour eux. Il est chic qu'il va n'apprendre qu'à tamouvir où les qu'on a exhorté la fin de crise. Ce jour-là, ma exhortation ici même. Il préfère que même les prédicateurs qui exhortent puissent faire. Il est chic à prier. Va n'apprendre qu'à tamouvir la épique. Les jours de prière, il préfère. Ah, vous voyez qu'il y a moins à mon énorme canisa. Va n'apprendre prière à Inako, va n'apprendre Mikono. Ils disent il n'y a pas prière là, ils vont acclamer. Vraiment. Ils ne veulent pas prier. Abatake kuomba. Ce sont des orpas dans l'église. Quoi bien mes frères. Parce que quicala mukanisa. Kutuanga magoti. Kuomba. Prier. Kuomba. Prier. Ça nous humilie. Il n'a tout fait de recha. Mais les gens ne veulent pas. Banto baitake. Et les gens oublient que les chemins d'en haut commencent par le bas. C'est vrai. Si vous voulez monter, commencez d'abord par descendre. Riche en état en Israël, il a commencé par les bas. Voyez, il a commencé par les bas. Il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à son amour propre. C'est vrai. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, dans son verset 6, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous sous la main puissante. Ruth savait qu'il était maintenant en Israël. Là où le véritable Dieu vivant, le Dieu de toute bénédiction, habitait. Mais il n'est pas allé avec ses yeux relevés. Non. Non mon frère. Apana, elle s'est humiliée. C'est vrai. Ndiyo. En faisant un travail. Des gens sans valeur. Les gens, un travail de mépriser. Un travail minimisé par tous. C'est vrai frère. Nikweli, c'est vrai sœur. Elle n'a pas voulu être patronne. Asikutake kuwa patronne. Non bien aimé frère. Apana, nduku, dans Jacques. Dans Jacques au chapitre 4. Jacobo sura ya ine. Oui, bien-aimé frère. Dio ndu kumpendo. Un bon exemple. Ni mufano mzuri. D'un véritable chrétien. Ya mukristo wa kweli. D'une véritable chrétienne. Ya mukristo mwana mukristo. Qui a besoin de Dieu dans toute sa vie. Mu maisha yake yote. Qui vient à la foi et qui commence par s'humilier et faire un travail des hommes sans valeur. Ya batu bila bei. C'est vrai frère. Nikweli nduku. C'est vrai ma soeur. Nikweli dada. Jacques chapitre 4. Jacobo sura ya ine. Dans son verset 10. Mstari yake ya 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Mulinyenyekeze mbele ya Bwana. Et il vous élèvera. Naye ataminyanyua. Humiliez-vous devant le Seigneur. Mulinyenyekeze mbele ya Bwana. Et le Seigneur lui-même vous élèvera. Ataminyanyua. Frère, Ndoku, sœur, dada, tu ne peux rien être de toi-même dans la foi. Awezi kwa kitu we mwenyewe muimani. Tu ne peux pas te faire quelque chose que tu n'es pas dans la foi. Awezi kujifania kitu kile we auna auko muimani we mwenyewe apana. C'est Dieu ni Mungu qui fera de toi ce qu'il voudra que tu sois. Kila tapenda ukue. Voyez bien, mes frères, c'est pourquoi quand vous venez dans la foi, à la foi, ne vous précipitez à rien. Voyez bien, mes frères, voyez bien, mes soeurs, et quand vous venez à la foi, n'imitez personne. Non, bien, mes frères, non, bien, mes soeurs, l'appel, s'il a reçu toi seul, vous ne faites pas à deux. C'est vrai, frère. Bwana yako, ton mari, atawezi, fete yenja ni kuleta ku imani. Peut-être c'est lui qui t'a amené à Christ. Sai, wewe ulikuwa mteule. Comme toi, tu étais un élu. Yeni kilalo. Lui, c'est juste un pont. Eko sa korbo. Il est comme un corbeau. Ule alikuwa kuna Elisha. Qui nourrissait. Elisha. Élisée. Et Dieu l'a utilisé mutumia, pour seulement que tu sois sauvé. Passe tout quand toi tu découvres la vérité, il faut imiter ou suivre ton mari. Prenez ton salut au sérieux. Rita n'a pas dit, Maman Naomi. Venez, Kuya. Allons travailler. Aïkwe mambo yake. C'est pas son affaire. Anayua kile kile mutoshaka mwoma, mwincha ke mwoma. Connaissait ce qu'il avait. Anayua kile alifuata. Connaissait ce qu'il avait. Non, anayua kile alifuata, eko na fuanya. Elle savait ce qu'elle faisait. Frère, Nduku. C'est lui qui a la foi véritable. Mwenye kwa na imani ya kweli. Il est conscient ni mwenye kujua de sa situation spirituelle ali yake ya en toutes choses. Mubitu vyote. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada. Il est sérieux. Eko mwenye kujua. Il est sérieux dans ce qu'il fait. Mwile kwa nafanya. Oui, bien-aimé, frère. Ndiyo nduku mpendwa. Oui, bien-aimé, soeur. Ndiyo dada mpendwa. Commencez par là. Wanzie chini. Le chemin d'en haut. Njia ya yuri. Est en bas. Iko chini. Oui, bien-aimé, frère. Unaona nduku. Humiliez-vous. Ujinyenyekeze. Faites le travail. Fanye kazi. Des pauvres. Ya ba masikini. Le travail humiliant. Kazi ya kufezereshwa. Le travail minimisé de tous. Kazi ile watu wote bana beula. Le travail. Kazi. Des gens sans valeur. Ya batu basipo kwa na beula. Oui, bien-aimé, mes frères. Oui, bien aimé, sœurs. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit dans Matthieu au chapitre 23, Matthieu chapitre 23, dans son verset 12, Jésus n'a-t-il pas dit, l'Église est avec moi, quiconque se levera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes soeurs. Quand vous venez à la foi, premièrement, travaillez pour le salut de votre âme. Si vous dormez, dormez, c'est votre problème. Voyez bien, mes frères. La première des choses que vous devez chercher, cherchez d'abord le salut de votre âme. Rassurez-vous que réellement vous êtes sauvés. Rassurez-vous que vous êtes réellement délivré. Rassurez-vous que vous avez le Saint-Esprit. Moi, tu m'aventures, Mukanisa. Vous venez dans l'église. Au lieu de chercher le salut, au lieu de chercher le Saint-Esprit, vous pourrez te foutre à Barafiki. Barafiki va kunga Mukanisa. Vous commettez un acte insensé. Unaingia mkagrupe kamoya keko unaonekana saka anajulikana mkanisa jo mule ukonekaza ujifofile mkale mkale kagrupe uko bumbafu tu ne comprends pas ton marien uelewe kitu hata kimoja. Kwa bien mes frères, unaona nduku mpendo, acha bima confrérie, arrête mu acha bima mitie biote bile, acha kutumika mkanisa, arrête de travailler dans le corps ya nafsi yako. Oui, tu rassurer à Kusema ou comme tout au Mungu. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes soeurs. C'est vrai, frère. Tumika. Travaille. C'est vrai pour ton âme. Tumika. Travaillez. Pour vous rassurer que réellement vous avez la vie éternelle. C'est le travail de l'âme qui vous apportera un bon témoignage et devant les hommes et devant Dieu. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada. Ile itakuletea ushuhuda. Ce qui va t'apporter les témoignages et que les gens te connaissent. Aina ile kazi uko natafuta kufanya. C'est pas le travail que tu veux. Ungali mupagano mukanisa. Pendant que tu es encore païen dans. Sauti ya Mungu yenyewe auyue. Mambo ya Mungu yenyewe auyue. Tu ne connais de nouveau. Tu ne comprends absolument rien. Même l'objectif du message. Tu ne comprends absolument rien du tout. Auelewe kitu hata kimoja. Et tu n'as absolument rien. Na auna na kitu hata kimoja. Tu as un cœur incrédule. Un cœur ya kukauka. Signe même pas la présence de Dieu. Vous voyez bien mes frères. Il doit te dépouiller de ces choses-là. C'est vrai frère. Ouais, on a couillé. Na ma pensée à ma zébou. Ma pensée à ma zébou, ni kusema. Tanguria kutumika. Pendant que vous l'atumika, Mungu atakusaidia. Tanguria mbele kuimba. Pale kunaimba. Uko tumetenir une présence à Mungu. Ni raisonnement ya shetani pour séduire les gens. Dieu va chitafuta okovu ya kweli. Afin qu'ils ne puissent pas chercher le véritable salut. C'est vrai frère. C'est ainsi que vous voyez dans les dénominations et même dans nos églises des inconvertis chantent. Les femmes s'habillent comme des prostituées. Et vous écoutez dans les chorales même la kaburia n'a mimba. Là-bas. Ouais bien mes frères. Ben qu'on aime au choral. Bon ben y'a qu'au choral. Ben qu'on a maquillé les savages chétans. Ils vivent dans la fête du diable en enfer. Votre évacoriste. Où est-ce que c'est méchant et naouille? Où est-ce que c'est méchant et naouille? Où y'en a-t-il un boule à oule? Où y'en a-t-il un naouille? Ça c'est l'enfer ça. Ni coupenda. Puis j'y pâtis à valeur. Ça qu'on a semé. Où les dada na imbaka bien, où les frères na imbaka bien, anapika kanzenze bien. C'est ça l'erreur. Pas seulement une erreur, la plus grande faute qui séduit les gens, c'est commencer à servir Dieu pour se faire valoir sans être sauvé. C'est commencer à servir Dieu sans se repentir de son orgueil. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Ton travail te fera connaître. Diminuez-vous comme Christ. Christ n'est pas allé trompeter. Non, non. Elle est entrée dans les champs. Elle s'est placée derrière les moissonneurs. Faisant un travail déjà inconsidéré. Un travail qui est méprisé. Elle était là pour sa survie. Mais c'est la manière qu'elle travaillait pour sa survie qui a attiré l'attention des serviteurs de Boaz et les de Boaz lui-même. Quand Boaz est venu de Bethléem, il a vu comment cette femme travaillait. Et il a observé. Et quand il passait, sur son cheval, il observait comment les gens travaillaient. Mais le travail des Ruths, la consécration des Ruths, a marqué son cœur. A marqué son cœur. La manière dont il travaillait. Comment il faisait des sacrifices. A quoi est-ce qui tombe. A quoi est-ce qu'on a salué yote. Il ramassait tous les graines. Et Boaz est passé regarder. Il regardait. Elle était concentrée à son travail. C'est vrai frère, même ce soir, Mungu est qu'on a engagé à mouiller Kanisa, qu'il a moutoto mwanaume, na moutoto mwanamuke, ou l'amba est qu'on a maïcha consacré kwake, Jo ou l'amba Mungu est qu'on a dit intéressé naïe. C'est celui-là à qui Dieu s'intéresse. Pas tous ces blabla ici, et toutes ces aventures. Non frère, non bien aimé sœur, même aujourd'hui, Dieu ne regarde regarde pas. Oh, quand mon tabernacle, mon apparence en mingi, Dieu ne regarde pas qui est bâtiment. Il est qui bâtiment à qui m'intéresse mon. Attends-moi, bon tabac. Mon ange, vous voyez là, ma super wax. Moi, bon, mon ange, ma miotoka. Moi, bon, mon ange, ma nyumba. Bantoua, na mouange, gane, na koule, koum singa koule. Cela n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est cet homme qui est assoiffé de lui. Cet homme qui se consacre, qui veut gagner sa faveur. Cet homme qui s'humilie devant sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, cet homme est prêt à mettre la parole en pratique. Joy, il est tout le monde intéressé. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pas l'effet de venir. Cela ne peut pas intéresser mes frères. Ce qui intéresse Dieu, c'est avoir ton âme. Si elle est réellement consacrée à son âme. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est le travail. Voyez, qui a attiré l'attention de Boaz. Avec Kajabé. Ni Kajaboule boule. Mais il est Kajaboule boule. Non, la bouille mika. Je vais vous mettre à valeur. Frère Boaz. Oui, bien aimé frère et soeur. C'est vrai. Dans Ruth au chapitre 2. Regardez dans Ruth au chapitre 2. Est-ce que l'église est avec moi? Où vous dormez? Où vous dormez? Dormez? Regardez dans le verset 7. Elle dit. Permettez-moi. Elle a dit, c'est le serviteur qui dit. D'abord, regardez le verset 6. Commençons même au verset 5. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Les serviteurs chargés. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui surveille. C'est vrai, les moissonneurs. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Alors, à qui cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondent. C'est une jeune femme moabite. Pour tirer attention. Il voulait attirer l'attention de Boaz. C'est une jeune femme moabite. Pour lui dire que ne t'intéresse pas à elle. Hein. C'est une païenne hein, qui est venue avec Naomi. C'est une jeune femme moabite. Vous voyez, moabite, qui est venue, qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Écoutez maintenant le témoignage de son travail. Et depuis ce matin, qu'elle est venue. Elle était debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Elle a travaillé durement. Elle n'a pas croisé les bras. C'est son travail. Et même les moissonneurs, et même les surveillants, les surveillants des moissonneurs avaient remarqué le travail de cet étranger. Et quand Boaz est venu, vous savez notre Boaz, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, certainement, quand quelqu'un s'humilie, se répand, il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché dans sa vie. Il prie, il jeûne, il met en pratique la parole de Dieu. Notre Boaz s'intéressera à lui. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et même l'église témoignera que cette soeur, que ce frère-là est un véritable chrétien, est une véritable chrétienne. Jésus dans Matthieu 6, dans son verset 33, je termine par là. Matthieu chapitre 6, dans son verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi Naomi et Ruth travaillaient durement pour avoir la portion du jour. C'est vrai, frère. Sans repos, avec humilité, voyez, sans orgueil dans son cœur, mais elle avait un objectif. Quel était son objectif? C'est être sous les ailes de l'Éternel. C'est recevoir la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse ce soir. Qui a compris? Levons-nous pour la prière. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Apana kujipatia valeur mukanisa. Il ne faut pas te donner de la valeur dans l'église. Apana kutumika. Il ne faut pas travailler. Au yazari kwa mala ya pili. Tu n'es pas encore. Au yakwa na Roho Mtakatifu. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Ya kwanza. Premièrement. Oui, jirashire ya kusema. Rassure-toi. Unaisha kuya mtoto wa Mungu. Mwenye kuzali kwa mala ya pili, mulikuwa na Roho Mtakatifu. Kama hauyakuwa na Roho Mtakatifu, anzia kutubu, kutengeneza maisha yako. Jene, priez, répondez-vous, soyez obéissants à la parole de Dieu, jusqu'à ce que le relèvement vienne d'en haut. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Prions-nous tous ensemble. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Nous sommes ce peuple que tu as appelé au temps du soir. Nous sommes ce peuple que tu as invité pour aller à la fête de la nuit. Maintenant, Seigneur, que ces paroles ne s'éloignent pas de mon cœur.